Livre 8e, La décroissance crépusculaire. Chapitre 1, La chambre d'en bas. Le lendemain, à la nuit tombante, Jean Valjean frappait à la porte cochère de la maison Gillenormand. Ce fut Basque qui le reçut. Basque se trouvait dans la cour à point nommé, et comme s'il avait eu des ordres. Il arrive quelquefois qu'on dit à un domestique « Vous guetterez Monsieur un tel quand il arrivera. » Basque, sans attendre que Jean Valjean vînt à lui, lui adressa la parole. « Monsieur le baron m'a chargé de demander à monsieur s'il désire monter ou rester en bas. »« Rester en bas, » répondit Jean Valjean. Basque, d'ailleurs absolument respectueux, ouvrit la porte de la salle basse et dit « Je vais prévenir madame. » La pièce où Jean Valjean entra était un rez-de-chaussée voûté et humide, servant de cellier dans l'occasion, donnant sur la rue, carrelé de carreaux rouges et mal éclairé d'une fenêtre à barreaux de fer. Cette chambre n'était pas de celle que harcèlent le houssoir, la tête de loup et le balai. La poussière y était tranquille. La persécution des araignées n'y était pas organisée. Une telle toile, largement étalée, bien noire, ornée de mouches mortes, faisait la roue sur une des vitres de la fenêtre. La salle, petite et basse, était meublée d'un tas de bouteilles vides amoncelées dans un coin. La muraille, badigeonnée d'un badigeon d'ocre jaune, s'écaillait par larges plaques. Au fond, il y avait une cheminée de bois peinte en noir à tablette étroite. Un feu y était allumé, ce qui indiquait qu'on avait compté sur la réponse de Jean Valjean « Restez en bas ». Deux fauteuils étaient placés aux deux coins de la cheminée. Entre les fauteuils était étendue, en guise de tapis, une vieille descente de lit montrant plus de cordes que de laine. La chambre avait pour éclairage le feu de la cheminée et le crépuscule de la fenêtre. Jean Valjean était fatigué. Depuis plusieurs jours, il ne mangeait ni ne dormait. Il se laissa tomber sur un des fauteuils. Basque revint, posa sur la cheminée une bougie allumée et se retira. Jean Valjean, la tête ployée et le menton sur la poitrine, n'aperçut ni Basque ni la bougie. Tout à coup, il se dressa comme en sursaut. Cosette était derrière lui. Il ne l'avait pas vue entrer, mais il avait senti qu'elle entrait. Il se retourna, il la contempla. Elle était adorablement belle. Mais ce qu'il regardait de ce profond regard, ce n'était pas la beauté, c'était l'âme. « Ah bien !» s'écria Cosette. « Voilà une idée. Père, je savais que vous étiez singulier, mais jamais je ne me serais attendu à celle-là. Marius me dit que c'est vous qui voulez que je vous reçoive ici. » « Oui, c'est moi. » Je m'attendais à la réponse. « Tenez-vous bien. Je vous préviens que je vais vous faire une scène. » Commençons par le commencement. Père, embrassez-moi. » Et elle tendit sa joue. Jean Valjean demeura immobile. Vous ne bougez pas, je le constate. Attitude de coupable, mais c'est égal, je vous pardonne. Jésus-Christ a dit, tendez l'autre joue. La voici. Et elle tendit l'autre joue. Jean Valjean ne remua pas. Il semblait qu'il eût les pieds cloués dans le pavé. Ceci devient sérieux, dit Cosette. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je me déclare brouillée. Vous me devez mon raccommodement. Vous dînez avec nous. J'ai dîné. Ce n'est pas vrai. Je vous ferai gronder par Monsieur Gillenormand. Les grands-pères sont faits pour tancer les pères. Allons, montez avec moi dans le salon, tout de suite. Impossible. Cosette ici perdit un peu de terrain. Elle cessa d'ordonner et passa aux questions. Mais pourquoi? Et vous choisissez pour me voir la chambre la plus laide de la maison. C'est horrible ici. Tu sais, Jean Valjean se reprit. Vous savez, madame, je suis particulier et j'ai mes lubies. Cosette frappa ses petites mains l'une contre l'autre. Madame, vous savez, encore du nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean Valjean attacha sur elle ce sourire navrant auquel il avait parfois recours. « Vous avez voulu être madame, vous l'êtes. »« Pas pour vous, père. »« Ne m'appelez plus père. »« Comment ?»« Appelez-moi monsieur Jean. »« Jean, si vous voulez. »« Vous n'êtes plus père. »« Je ne suis plus Cosette. » »« Monsieur Jean, qu'est-ce que cela signifie ?» Mais c'est des révolutions, ça! Que s'est-il donc passé? Regardez-moi donc un peu en face. Et vous ne voulez pas demeurer avec nous? Et vous ne voulez pas de ma chambre? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il y a donc quelque chose? Rien. Eh bien alors? Tout est comme à l'ordinaire. Pourquoi changez-vous de nom? Vous en avez bien changé, vous. Il sourit encore de ce même sourire et ajouta « Puisque vous êtes madame Pontmercy, je puis bien être monsieur Jean. » « Je n'y comprends rien. Tout cela est idiot. Je demanderai à mon mari la permission que vous soyez monsieur Jean. J'espère qu'il n'y consentira pas. Vous me faites beaucoup de peine. On a des lubies, mais on ne fait pas du chagrin à sa petite Cosette. C'est mal. Vous n'avez pas le droit d'être méchant, vous qui êtes bon. » Il ne répondit pas. Elle lui prit vivement les deux mains et, d'un mouvement irrésistible, les élevant vers son visage, elle les pressa contre son cou sous son menton, ce qui est un profond geste de tendresse. « Oh !» lui dit-elle, « soyez bon !» Et elle poursuivit. « Voici ce que j'appelle être bon. Être gentil, venir demeurer ici, reprendre nos bonnes petites promenades. Il y a des oiseaux ici, comme rue Plumet. Vivre avec nous. Quitter ce trou de la rue de l'Homme armé. Ne pas nous donner des charades à deviner. Être comme tout le monde. Dîner avec nous. Déjeuner avec nous. Être mon père. » Il dégagea ses mains. « Vous n'avez plus besoin de père. Vous avez un mari. » Cosette s'emporta. « Je n'ai plus besoin de père. » Des choses comme ça qui n'ont pas le sens commun, on ne sait que dire, vraiment. Si Toussaint était là, reprit Jean Valjean comme quelqu'un qui en est à chercher des autorités et qui se rattache à toutes les branches, elle serait la première à convenir que c'est vrai, que j'ai toujours eu mes manières à moi. Il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours aimé mon coin noir. Mais il fait froid ici, on n'y voit pas clair. C'est abominable, ça, de vouloir être monsieur Jean. Je ne veux pas que vous me disiez vous. Tout à l'heure, en venant, répondit Jean Valjean, j'ai vu rue Saint-Louis un meuble, chez un ébéniste. Si j'étais une jolie femme, je me donnerais ce meuble-là. Une toilette très bien, genre d'à présent. Ce que vous appelez du bois de rose, je crois. C'est incrusté. Une glace assez grande. Il y a des tiroirs. C'est joli. « Ouh, le vilain ours !» répliqua Cosette. Et avec une gentillesse suprême, serrant les dents et écartant les lèvres, elle souffla contre Jean Valjean. C'était une grâce copiant une chatte. « Je suis furieuse, » reprit-elle. « Depuis hier, vous me faites tous rager. Je bisque beaucoup. Je ne comprends pas. Vous ne me défendez pas contre Marius. Marius ne me soutient pas contre vous. Je suis toute seule. J'arrange une chambre gentiment. Si j'avais pu y mettre le bon Dieu, je l'y aurais mis. On me laisse ma chambre sur les bras. Mon locataire me fait banqueroute. Je commande à Nicolette un bon petit dîner. On n'en veut pas de votre dîner, madame. Et mon père Fauchelevent veut que je l'appelle monsieur Jean et que je le reçoive dans une affreuse vieille laide cave moisie où les murs ont de la barbe et où il y a, en fait de cristaux, des bouteilles vides et en fait de rideaux, des toiles d'araignée. Vous êtes singulier, j'y consens, c'est votre genre. Mais on accorde une trêve à des gens qui se marient. Vous n'auriez pas dû vous remettre à être singulier tout de suite. Vous allez donc être bien content dans votre abominable rue de l'Homme armé. J'y ai été bien désespérée, moi. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous me faites beaucoup de peine, fille. » Et, sérieuse subitement, elle regarda fixement Jean Valjean et ajouta. « Vous m'en voulez donc de ce que je suis heureuse?

mais l'observation glissa sur Nicolette qui n'en rapporta rien à Cosette. Chapitre 4. L'attraction et l'extinction. Pendant les derniers mois du printemps et les premiers mois de l'été de 1833, les passants clairsemés du marais, les marchands des boutiques, les oisifs sur le pas des portes, remarquaient un vieillard proprement vêtu de noir qui, tous les jours, vers la même heure, à la nuit tombante, sortait de la rue de l'Homme-Armé, du côté de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, passait devant les Blancs-Manteaux, gagnait la rue Culture Sainte-Catherine et, arrivé à la rue de l'Écharpe, tournait à gauche et entrait dans la rue Saint-Louis. Là, il marchait à pas lents, la tête tendue en avant, ne voyant rien, n'entendant rien, l'œil immuablement fixé sur un point toujours le même, qui semblait pour lui étoilé, et qui n'était autre que l'angle de la rue des Filles du Calvaire. Plus il approchait de ce coin de rue, plus son œil s'éclairait. Une sorte de joie illuminait ses prunelles, comme une aurore intérieure. Il avait l'air fasciné et attendri. Ses lèvres faisaient des mouvements obscurs, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Il souriait vaguement, et il avançait le plus lentement qu'il pouvait. On eût dit que, tout en souhaitant d'arriver, il avait peur du moment où il serait tout prêt. Lorsqu'il n'y avait plus que quelques maisons entre lui et cette rue qui paraissait l'attirer, son pas se ralentissait au point que par instant on pouvait croire qu'il ne marchait plus. La vacillation de sa tête et la fixité de sa prunelle faisaient songer à l'aiguille qui cherche le pôle. Quelque temps qu'il mit à faire durer l'arrivée, il fallait bien arriver. Il atteignait la rue des Filles du Calvaire. Alors, il s'arrêtait. Il tremblait. Il passait sa tête avec une sorte de timidité sombre au-delà du coin de la dernière maison. Et il regardait dans cette rue. Et il y avait dans ce tragique regard quelque chose qui ressemblait à l'éblouissement de l'impossible et à la réverbération d'un paradis fermé. Puis une larme, qui s'était peu à peu amassée dans l'angle des paupières, devenue assez grosse pour tomber, glissait sur sa joue, et quelquefois s'arrêtait à sa bouche. Le vieillard en sentait la saveur amère. Il restait ainsi quelques minutes, comme s'il eût été de pierre. Puis il s'en retournait par le même chemin, et du même pas. Et à mesure qu'il s'éloignait, son regard s'éteignait. Peu à peu, ce vieillard cessa d'aller jusqu'à l'angle de la rue des Filles du Calvaire. Il s'arrêtait à mi-chemin dans la rue Saint-Louis, tantôt un peu plus loin, tantôt un peu plus près. Un jour, il resta au coin de la rue Culture Sainte-Catherine et regarda la rue des Filles du Calvaire de loin. Puis il hocha silencieusement la tête de droite à gauche, comme s'il se refusait quelque chose, et rebroussa chemin. Bientôt, il ne vint même plus jusqu'à la rue Saint-Louis. Il arrivait jusqu'à la rue Pavée, secouait le front, et s'en retournait. Puis il n'alla plus au-delà de la rue des Trois Pavillons. Puis il ne dépassa plus les Blancs-Manteaux. On eût dit un pendule qu'on ne remonte plus et dont les oscillations s'abrègent en attendant qu'elles s'arrêtent. Tous les jours, il sortait de chez lui à la même heure. Il entreprenait le même trajet, mais il ne l'achevait plus. Et peut-être sans qu'il en eût conscience, il le raccourcissait sans cesse. Tout son visage exprimait cette unique idée. À quoi bon ? La prunelle était éteinte, plus de rayonnement. La larme aussi était tarie. Elle ne s'amassait plus dans l'angle des paupières. Cet œil pensif était sec. La tête du vieillard était toujours tendue en avant. Le menton par moments remuait. Les plis de son cou maigre faisaient de la peine. Quelquefois, quand le temps était mauvais, il avait sous le bras un parapluie qu'il n'ouvrait point. Les bonnes femmes du quartier disaient « C'est un innocent ». Les enfants le suivaient en riant.